Il était bien jeune cependant. Pourquoi désespérer? Et elle lui donnait de bons conseils. Travaillez, mariez-vous. Il répondait par des sourires amers, car, au lieu d'exprimer le véritable motif de son chagrin, il en feignait un autre, sublime, faisant un peu l'Antony, le maudit. Langage, du reste, qui ne dénaturait pas complètement sa pensée. L'action, pour certains hommes, est d'autant plus impraticable que le désir est plus fort. La méfiance d'eux-mêmes les embarrasse, la crainte de déplaire les épouvante. D'ailleurs, les affections profondes ressemblent aux honnêtes femmes. Elles ont peur d'être découvertes et passent dans la vie les yeux baissés. Bien qu'il connût Madame Arnoux davantage, à cause de cela peut-être, il était encore plus lâche qu'autrefois. Chaque matin, il se jurait d'être hardi. Une invincible pudeur l'en empêchait. Il ne pouvait se guider d'après aucun exemple, puisque celle-là différait des autres. Par la force de ses rêves, il l'avait posée en dehors des conditions humaines. Il se sentait, à côté d'elle, moins important sur la terre que les brindilles de soie s'échappant de ses ciseaux. Puis, il pensait à des choses monstrueuses, absurdes, telles que des surprises la nuit avec des narcotiques et des fausses clés, tout lui paraissant plus facile que d'affronter son dédain. D'ailleurs, les enfants, les deux bonnes, la disposition des pièces faisaient d'insurmontables obstacles. Donc, il résolut de la posséder à lui seul et aller vivre ensemble bien loin, au fond d'une solitude. Il cherchait même sur quel lac assez bleu, au bord de quelle plage assez douce, si ce serait l'Espagne, la Suisse ou l'Orient. Et, choisissant exprès les jours où elle semblait plus irritée, il lui disait qu'il faudrait sortir de là, imaginer un moyen, et qu'il n'en voyait pas d'autre qu'une séparation. Mais, pour l'amour de ses enfants, jamais elle n'en viendrait à une telle extrémité. Tant de vertus augmenta son respect.